le ventre du poisson. Page 45. Parmi toutes les nations de la terre, Dieu a fait du peuple hébreu son préféré et son protégé. Il l'a choisi. Il veille sur lui comme un père. Il est là quand le peuple a besoin de lui. Il envoie des prophètes pour le guider et lui montrer le chemin du bonheur. Jamais il ne l'abandonne. Mais l'amour de Dieu est bien plus grand encore. Il regarde aussi avec amour les autres peuples de la terre, ceux qui ne le connaissent pas. D'ailleurs, la grande ville de Ninive l'inquiète. Ses habitants sont devenus mauvais. Dieu est triste et en colère. Ces hommes et ces femmes mériteraient une punition. Pourtant, il veut leur donner une chance de changer leur cœur. Alors, il s'adresse à Jonas, un Hébreu, et lui dit « Va à Ninive et dis à ses habitants que j'ai vu leur méchanceté. » Jonas est un homme sans histoire. Il ne veut pas risquer sa vie en allant à Ninive annoncer la colère de Dieu. Il préfère fuir en bateau, ni vu, ni connu. Mais Dieu voit tout. Jonas semble l'avoir oublié. Et Dieu envoie sur la mer un vent violent. Les voiles se déchirent, le bateau grince, battu par les vagues. Il menace de couler. Les marins prennent peur. « Qu'as-tu fait contre ton Dieu ?» reproche-t-il à Jonas. « Que devons-nous faire pour calmer la mer ?»« Je le reconnais. Tout est de ma faute, » avoue alors Jonas. « Jetez-moi à l'eau. Ainsi Dieu ne sera plus en colère contre moi et il apaisera la tempête. » Les marins hésitent. Ils ne veulent pas envoyer un homme à la mort. Mais, comme le vent redouble d'ardeur, ils se saisissent de Jonas et le précipitent par-dessus bord. Aussitôt, la mer redevient calme. Le vent tombe, la tempête s'apaise. Jonas se débat dans l'eau, il ne sait pas nager. Il panique et commence à couler. Il pense qu'il va mourir. Mais Dieu envoie un énorme poisson qui l'avale tout rond. Jonas se retrouve dans le ventre du poisson. Il est toujours vivant. Alors, il comprend que le Seigneur l'a sauvé et il lui adresse cette prière. « J'étais dans la détresse et je me suis souvenu de toi, Seigneur. J'allais mourir et tu m'as sauvé. Ce que tu veux que je fasse, je le ferai. » Dieu entend la prière de Jonas et le troisième jour, il ordonne au poisson de le rejeter sur une plage. Cette fois-ci, Jonas ne fuit plus. Il met sa confiance dans le Seigneur. Il n'a plus peur et se rend à Ninive, la grande ville païenne. « Dans 40 jours, Ninive sera détruite si vous ne changez pas vos cœurs !» clame-t-il dans les rues de la ville. Jonas craignait que les habitants ne le chassent. Ils n'en font rien. Au contraire, ils croient que ce qu'il dit est vrai et ils demandent pardon à Dieu pour leur mauvaise conduite. Les hommes et les femmes ne mangent plus. Ils vont pieds nus et vêtus de sacs rugueux pour faire pénitence. Chacun change ses mauvaises habitudes pour se remettre sous le regard de Dieu. Dieu est lent à la colère et plein d'amour. Il oublie son courroux. Il ne détruira pas la ville. Ses habitants seront sauvés.